Chapitre 95. Le pays du pilote Guillaume, la Normandie, ses ports, son commerce, Rouen et ses cotonnades. Il est bon dans l'industrie d'avoir des rivaux. Nous cherchons à faire mieux qu'eux, et c'est profit pour tous. Père Guillaume, dit Julien le lendemain matin, en arrivant sur le pont à côté du pilote, vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez normand. Voulez-vous que nous parlions de votre pays? Cela m'amusera beaucoup. Moi, je voudrais connaître toutes les provinces de la France, parce que j'aime la France, et que je veux être instruit des choses de mon pays. Voilà qui est bravement parlé, petit Julien. Assieds-toi tranquillement en face de moi, et nous causerons de la Normandie. » Julien ne se le fit pas répéter deux fois, et le père Guillaume, levant le doigt dans la direction des côtes normandes. « Par là-bas, dit-il, au loin, comme un bras qui se prolongerait dans l'océan, il y a un cap, que je ne puis voir sans un grand battement de cœur. C'est le cap de la Hague, petit Julien. C'est par là que je suis né. C'est là que je me suis essayé tout bambin, au pied des falaises, à lutter contre les flots et à ne pas trembler dans la tempête. Tout près est la rade de Cherbourg, et Cherbourg est le plus magnifique port militaire construit par la main des hommes. La rade de Cherbourg est défendue par une digue, qui n'a pas sa pareille au monde. Qu'est-ce qu'une digue, père Guillaume? C'est une muraille construite par les hommes, qui s'avance en mer et derrière laquelle les navires sont à l'abri de la tempête. La digue de Cherbourg a presque une lieue. Elle s'avance au milieu d'une des mers les plus agitées et les plus dangereuses qu'il y ait sur la côte de France. Mais elle est si bien construite en gros blocs de granit que les plus grandes tempêtes ne l'endommagent pas, et que les navires qui sont derrière jouissent d'un calme parfait au moment même où les vagues déferlent au large, comme des montagnes qui s'entrechoquent. J'aimerais bien avoir Cherbourg, père Guillaume. Est-ce qu'on s'y arrêtera? Non, mon ami. Nous passons tout droit, mais de loin je te le montrerai. Et puis la Normandie a bien d'autres ports, et nous en verrons quelques-uns. Il y a d'abord le Havre, qui est après Marseille le port le plus commerçant de toute la France. Plus de 6 000 vaisseaux y entrent chaque année et y apportent les produits de toutes les parties du monde, surtout le coton récolté en Amérique par les nègres. Puis nous avons Dieppe, connu pour ses bâtiments de pêche et pour ses bains de mer. Fécamp, Honfleur, en face du Havre, grande ville, qui occupe plus de 1 500 hommes à la pêche des huîtres et dont les vaisseaux font à Terre-Neuve pêcher la morue. Enfin, Rouen est aussi un port très commerçant. « Comment, dit Julien, Rouen est un port ?»« Certainement, c'est un port sur la Seine. Les petits navires remontent la Seine jusqu'à Rouen, comme à Nantes, nous avons remonté la Loire et à Bordeaux la Garonne. » Rouen, qui a plus de 110 000 habitants, est une grande ville laborieuse, pleine d'usines, de machines et de travailleurs. Elle file à elle seule 30 millions de kilogrammes de coton chaque année, dans ses vastes filatures, où la vapeur met en mouvement des milliers de bobines. Le fil fait, on le teint de toutes nuances, en le plongeant dans des cuves où sont les couleurs. Les teinturiers de Rouen sont, avec celles de Lyon, les plus renommés de France. Et Rouen n'est pas seul à bien travailler en Normandie. Il y a tant d'industries diverses chez nous que je ne puis pas me les rappeler toutes. Et en disant cela, le père Guillaume semblait tout fier de pouvoir faire de son pays un éloge mérité. Il ajouta, c'est que, petit Julien, la Normandie est située juste en face de l'Angleterre. Cela fait que nous sommes en rivalité pour l'industrie avec les Anglais. Il s'agit de faire aussi bien, et ce n'est pas facile. Mais comme on ne veut pas rester en arrière, on se donne de la peine. Et alors on arrive en même temps que ses rivaux, et quelquefois avant eux. Tiens, dit Julien, c'est donc pour les peuples comme en classe, où chacun tâche d'être le premier. Justement, petit Julien, dans l'industrie, celui qui fait les plus beaux ouvrages les vend mieux. Et c'est tout profit. Quand les hommes seront plus sages, ils ne voudront obtenir les uns sur les autres que ces victoires-là. Vois-tu, ce sont les meilleures et les plus glorieuses. Elles ne coûtent la vie à personne, et personne ne risque d'y perdre une patrie. La Normandie. Outre Rouen, Le Havre et Cherbourg, l'une des plus grandes villes de la Normandie est Caen, 42 000 habitants. Sur l'Orne, Caen fabrique de superbes dentelles, ainsi qu'Alençon et Bayeux. Évreux et Saint-Lô font des toiles de fil et des coutils. Elbeuf, 22 000 habitants, et Louviers fabriquent les draps les plus fins pour nos habits. L'Aigle et ses environs possèdent les seules fabriques importantes d'épingles et d'aiguilles qui soient en France. Cherbourg et sa digue. La rade de Cherbourg était une des plus belles de la Manche, mais elle était ouverte du côté de la mer et exposée aux tempêtes ou à l'attaque des ennemis. C'est pour la fermer qu'on a construit cette immense digue, œuvre unique en son genre, qui est une sorte d'île faite de mains d'hommes et au milieu de laquelle s'élève un fort. Cherbourg est maintenant un des chefs-lieux des 5 arrondissements maritimes dans lesquels on a divisé nos côtes. Un établissement de bains de mer en Normandie. Tous les ans, l'été, des milliers de personnes vont prendre des bains de mer dans les villes ou villages du littoral, car l'eau salée de la mer est fortifiante, surtout quand on n'y reste pas plus de 5 ou 10 minutes. La ville de Paris envoie chaque année aux bains de mer, pour les récompenser, les meilleurs élèves de ses écoles. Pêche des huîtres. Les huîtres sont une des richesses de nos côtes. Pour les pêcher, on se sert d'un instrument appelé drague, sorte de poche en filet, qu'on laisse couler et qu'on promène au fond de la mer. Elle arrache tout ce qu'elle rencontre, huîtres, pierres, herbes, et on fait ensuite le triage. Morue. On ne se douterait pas à voir les morues desséchées étalées à la devanture des épiciers de ce qu'est l'animal vivant. C'est un gros poisson qui pèse en moyenne 12 kg. Quand on les a pêchés, et un seul homme en pêche parfois à Terre-Neuve jusqu'à 400 par jour, on leur coupe la tête, on les ouvre et on étale les morceaux. Ce sont ces fragments aplatis que vendent les marchands. La teinturerie. Pour teindre les écheveaux de laine, de coton, de soie, le teinturier les trempe dans un bain colorant, en les tournant et retournant sur des bâtons.